étant donné l'émotion manifestée par Nemo devant la mort de l'un des siens, signe d'une évidente humanité, le professeur se décide à aller réclamer la liberté au capitaine. Mais il se heurte à un non catégorique, d'autant que le professeur vient le déranger alors qu'il est en plein travail d'écriture. « Voici, monsieur Aronnax, un manuscrit écrit en plusieurs langues. Il contient le résumé de mes études sur la mer. Et s'il plaît à Dieu, il ne périra pas avec moi. Ce manuscrit, signé de mon nom, complété par l'histoire de ma vie, sera renfermé dans un petit appareil insubmersible. Le dernier survivant de nous, à bord du Nautilus, jettera cet appareil à la mer et il ira où les flots le porteront.